Non, monsieur, il n'y avait personne. Ou bien alors, disons que c'était un revenant. Signora, ce sont des choses qui arrivent. Depuis 3 ans, c'est des choses qui arrivent. Et vous les empêchez d'arriver? Non! Et vous deux, vous êtes comme Louis. Des choses qui arrivent. Tant que vous empêchez pas ces choses d'arriver, voilà une chose qui arrive pas. Ubaldo, andiamo. Allez, amenez les toutous un moment. Amateur. Bye, ciao. Et vous voyez, et je m'en vais pour de vrai. Arrivederci. Addio. Messieurs, bonne chance. Si vous avez besoin de moi, je suis en Australie. Oh. Signora, Giudicelli, j'imagine qu'elle va revenir. Vous croyez, monsieur? J'ai un message de la part du fantôme. Oh, Dieu du ciel, c'est une obsession! Il vous souhaite la bienvenue dans son opéra. Son opéra, hein? Et il exige que lui soit toujours réservée cette loge-là, la loge numéro 5. Il vous rappelle aussi que son salaire lui est dû. Son salaire? Oui, monsieur Lefebvre lui a toujours donné 20 000 francs par mois. 20 000 francs? Voulez-vous lui donner plus, puisque le vicomte vous subventionne? Madame, j'espérais en faire l'annonce en public ce soir, alors que le vicomte nous rejoindra pour le gala. Mais c'est évident qu'il va falloir annuler. Nous n'avons plus notre star. Il y a sûrement une doublure. Une doublure. Mais il n'y a pas de doublure pour la Carlotta. C'est un fléau, André. Il va falloir rembourser et on est complet. Christine Daae peut chanter, monsieur. Quoi, une choriste? Ridicule. Elle a pris des cours avec un grand professeur. Qui? Je ne connais pas son nom, monsieur. Laissez-la chanter pour vous, monsieur. Elle est vraiment douée. D'accord. Allons, ne soyez pas timide. Allons, c'est cela. Allez-y. Depuis le commencement de l'aria, je vous prie, mademoiselle. André, tout ceci est trop pour mes nerfs. Oh, elle est très jolie. Pense à moi, pense à nous deux, après nos au revoir. Ne m'oublie pas, où que tu ailles, promets-le-moi ce soir. Quand l'instant te semblera venu de regagner ta liberté, glisse-moi de temps à autre là dans tes pensées. ses jours, repense à ses instants, les pas de Léa semblaient si doux. Il ne sera pas un jour sans que je pense à toi. C'est une nuit, n'est-ce pas, Christine? Bravo! Tu n'es plus la gamine un peu gauche que j'ai connue un jour lointain. Te souviendras-tu de tout? Car moi, je n'oublie rien. Fleurs et fruits, tout n'a qu'un temps ici. Les grands élans ne durent pas. Mais veux-tu me le Stupendo!